Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la maison Hermès, quand l'amour du cheval se conjugue à l'élégance parisienne. C'est très parisien, Hermès. L'idée, la base, l'étincelle initiale, il faut que ça vienne d'un lieu. Et ce lieu est magique parce que Paris a reçu des gens de tous les pays du monde. Les plus grands parisiens ne sont pas nés à Paris. Mais ils ont peut-être pu trouver à Paris leur terrain d'expression. Et s'il en est des idées comme des hommes, je crois que ça pousse bien une jolie idée à Paris quand on pense à l'élégance. Si la maison Hermès est aujourd'hui intimement associée à l'élégance parisienne, c'est d'abord au monde du cheval que va se consacrer la célèbre maison fondée par Thierry Hermès en 1837. Il faut savoir qu'au début du 19e siècle, le cheval est roi à Paris. L'arrière-arrière-petit-fils de Thierry Hermès, Jean-Louis Dumas Hermès, a donc bien raison de dire dans cet extrait qu'on vient d'entendre que le destin de la maison Hermès va être étroitement lié à celui d'une ville, Paris. Mon ancêtre, en 1837, a créé Hermès. Il s'appelait Thierry Hermès. Il était huguenot. Il arrivait d'Allemagne où il était né, revenant en France. Thierry s'occupait du grand, du premier, du seul client qui compte vraiment pour nous, le cheval. Ah. Et il faisait des harnais, des plus beaux harnais possibles, au point que les gens, plutôt que de commander une calèche, et puis ils se remettaient aux vendeurs pour tout le reste, eh bien ils disaient, je vous achète la voiture, mais je vais chez Monsieur Hermès pour mon harnais, qui va être solide, sûr. Et puis, le fils, étant dans ce métier-là autour du cheval, a commencé à faire cet autre métier qui est la selle. Et je vous expliquais, si vous me donnez une seconde, la différence, elle est très grande. Parce que le cheval qui tire une voiture, on bat dans un relais de poste, on change les chevaux. Ouais. Donc vous avez des harnais qui sont très beaux, mais vos chevaux sont assez interchangeables. Quand vous arrivez à la selle, vous vendez à quelqu'un qui a son cheval. Oui. Et donc, on est passé ainsi à la personnalisation, si vous voulez, du client. Ouais. C'était le cheval de quelqu'un, un cheval aimé, un cheval respecté. Puis très vite est arrivée une femme qui a dit à M. Hermès, cette fois, c'était le suivant, c'est pas normal que mon cheval soit plus élégant que moi. Alors, on a commencé à faire des robes, ouais, des choses, ouais, et puis à continuer à travailler. Et puis la suite, c'est très simple, il y a eu la guerre de 14, il y a eu mon grand-père qui a repris l'affaire à ses frères et qui a redynamisé dans ces années 20 un peu folles, avec d'ailleurs des Américains qui venaient, des nouveaux clients qui aimaient ce... Scott Fitzgerald parle de ses visites Faubourg Saint-Honoré, il y a cette atmosphère-là qu'on retrouve dans ses livres d'époque. Et puis, à nouveau, Jean-Louis Hermès au micro de Sylvia Lécuyer en 1995. Pour nous raconter l'histoire de la maison Hermès, je reçois Christine Dufresne, chargée de projet pour l'exposition Des chevaux et des hommes, la collection Hermès Paris, présentée au musée de la Pointe-à-Calière à Montréal. Christine Dufresne, bonjour. Bonjour. D'abord, petite anecdote, mais Hermès, c'est évidemment donc le nom du créateur de cette maison Hermès, le fondateur Thierry Hermès. C'est aussi heureux hasard pour une maison qui a fait dans le voyage beaucoup, dans l'équitation, le cheval au début. C'est aussi le dieu grec des voyageurs. Oui, tout à fait. Et souvent, on se dit quel nom extraordinaire, ça vient de la famille Hermès. Ça s'invente pas. Ça s'invente pas, sauf que Thierry Hermès était allemand et probablement que son nom de famille de base, son nom original, était pas Hermès. On pense que ça pouvait être Hermann. Il y a eu des recherches en archives qui ont été faites, mais ça n'a pas été prouvé. Donc, on connaît pas le nom de famille original. Donc, ça s'est peut-être inventé, finalement. Peut-être qu'on a étiré un petit peu mais que ça devienne Hermès. Peut-être un peu. On l'a pas joué jusqu'au bout parce que l'emblème, le logotype que la famille a développé dans les années 1940, c'est un duc, une voiture hippomobile, donc on l'a pas joué jusqu'au logo. Donc on a quand même eu une petite réserve à ce niveau-là. Bon, alors revenons au début de cette maison, la grande maison Hermès, en parlant de celui qui va la fonder en 1837, Thierry Hermès. Présentez-nous-le, qui est-il? En fait, Thierry Hermès, c'est un homme qui est né autour de 1800, qui va arriver à Paris et il va fonder cette maison-là en 1837. C'est une époque extraordinaire pour le cheval. Mm-hmm. C'est vraiment, le cheval est partout. Il est partout en campagne, mais il est partout en ville. C'est récent. Avant, ça prenait une demi-journée de traverser à pied Paris. Donc, le cheval est partout et lui, il va profiter de ce moment-là. Au début, lui, la maison ne vend pas au détail. Tranquillement, elle va se perfectionner. C'est un amoureux du cheval. Donc, il y a le souci aussi de prendre soin du cheval. Il faut se dire que c'est une époque où, si le cheval est partout, on n'en prend pas soin. D'ailleurs, vers 1839, on crée une société protectrice des animaux. Un cheval dure à peu près 4 ans. Donc, il est usé. Donc, il y a quand même le souci du cheval. Et son fils va reprendre le relais de la maison et va l'amener encore plus loin. Donc, lui, il fait des harnais. Ensuite, ils vont faire des selles. Et ils vont devenir, de cette maison-là qu'il va créer, qu'il va déménager plusieurs années plus tard au Faubourg Saint-Honoré, ils vont devenir les celliers en achat des tsars, des princes, de la haute société. Donc, c'est un homme de son temps. Il va savoir profiter de ce boom-là jusqu'à la fin de sa vie. Ouais. Donc, ensuite, la maison reste de père en fils. Ça va être très, très important. Cette transmission, c'est exceptionnel. De génération en génération, les Hermès vont se succéder à la tête de cette maison. Puis, vous le disiez déjà, le deuxième dans la lignée va un petit peu diversifier. On l'entendait dans l'extrait. Il va se mettre à faire des selles, lui, pas juste des harnais. Donc, une première diversification quand le deuxième de la lignée arrive, en fait. Oui, en fait, oui, il va pousser le savoir-faire parce que non seulement il va faire des selles, des harnais, mais ils vont s'occuper des rois, des tsars. Le tsar Nicolas II de Russie va faire faire ses harnais, il va venir à Paris. La réputation va être européenne. Oui, va vraiment être européenne. C'est une très, très grande maison. Il faut dire que c'était très important d'avoir un cheval bien tenu, avoir une voiture hippomobile impeccable. Si on se promenait, notre cheval et notre voiture étaient mal attenés, on pouvait détruire notre réputation. On dit même dans certains documents d'archives, c'était plus important d'avoir un bon cheval, une écurie impeccable que d'avoir un bon cuisinier. Donc, on va pousser les savoir-faire au niveau des artisanats vraiment à un sommet. Il faut dire, il y a un boom, le cheval est partout et les savoir-faire vont se perfectionner de façon très, très importante. Et même Hermès va embarquer dans ce perfectionnement-là des savoir-faire. Ouais. Il va arriver à un moment donné, Émile Maurice Hermès, qui va vraiment être une figure très, très importante pour la maison Hermès. C'est lui qui va l'amener plus loin encore. Présentez-nous-le, parce que c'est un personnage intéressant aussi. D'abord, lui, on parlait de voyage au tout début de l'émission. Est-ce que Hermès, c'est un clin d'œil à ce dieu grec des voyageurs? Il est un grand voyageur. Il veut voyager. Ce qu'il va voir dans ses voyages en Europe, en Argentine, au Canada, on y reviendra, vont l'inspirer beaucoup. Tout à fait. En fait, Émile Hermès, lui, va naître en 1870. 1880, c'est vraiment l'apogée des chevaux. Il y en a à peu près 80 000 à Paris, donc c'est énorme. Les chevaux sont partout. Il va voir cet apogée-là et c'est un passionné de voyage. À 23 ans, il va aller en Russie lui-même. Il va revenir avec des carnets de commandes pleins. Donc, les empereurs, tout le monde veut un harnais fabriqué par Hermès. D'ailleurs, ils vont faire des créations incroyable. Donc, c'est un passionné. Il va beaucoup voyager et en même temps, il va voir arriver le monde de l'automobile et il va sentir ce changement-là. Et c'est vraiment lui qui va être capable d'amener la maison, à prendre ce tournant-là et de se renouveler. Créer des accessoires pour automobile aussi, des accessoires pour voyage. Dans ses voyages, il va se rendre compte qu'à l'époque, il faut se rappeler, les gens voyagent très, très lourd avec des malles. Dans ses voyages, Émile Hermès va se dire, tiens, il faut alléger tout ça. Il faut que le bagage soit plus facilement transportable. Le sac des gauchos argentins va lui donner l'idée du fameux sac. Ça qu'il va puiser dans ses voyages. En fait, oui. Puis c'est fascinant parce que souvent, on s'en rend plus compte aujourd'hui, les produits Hermès, mais les premiers sacs sont basés sur justement ces sacs de gauchos, des sacs qui servaient à transporter la selle et les bottes. Donc, une base très large avec le haut plus bas. Donc, on a juste à se promener dans la rue puis on voit plein de sacs féminins inspirés de ça. Donc, il va transposer ça et il va aussi, avec l'avènement de l'automobile, créer des sacs, des accessoires pour aider les gens à voyager. Donc, on voyageait, mais c'est vrai qu'on voyageait lourd. Mm-hmm. Les gens avaient des malles de voyage extraordinaires, mais ça devait peser une tonne. Donc, il va avoir le génie de développer des produits de luxe. Et c'est facile parce qu'en plus de ça, lui, il connaît bien le travail du cuir. Donc, c'est facile. Il travaille déjà le cuir. Il va amener aussi, avec son frère, le poincelier. Les sacs à main, avant, n'étaient pas cousus, étaient collés. Donc, le poincelier, c'est cette couture qui sert à coudre une selle. Et il va transposer ça dans les sacs. Donc, pour les femmes, c'est quand même important. Avant ça, on avait des sacs collés. Grâce à Hermès, on a eu des sacs cousus. La qualité, toujours. Ça fera partie de la signature de la maison. C'est pourquoi les tsars ou, enfin, toutes les têtes couronnées d'Europe veulent des produits de cette maison-là. Oui. En fait, un souci Ce qui est fascinant chez Émile Hermès, c'est que c'est un homme qui est fasciné par le savoir-faire des artisans, par la qualité, en même temps par l'innovation. C'est un grand collectionneur. On voit dans sa collection, il y a des œuvres d'art, mais il y a aussi des objets d'invention, de technologie. Il y avait des choses un peu flyées, là, des étriers chaufferettes pour qu'on ait les pieds au chaud, des étriers lanternes. Quand les chevaux s'emballaient, ils couraient partout dans les rues, des procédés pour que le cheval se détache de la voiture ou pour que ses yeux soient bloqués. Il va collectionner ces choses-là. Et il va être fasciné par tout ce qui est innovation, mais en même temps, il ne va jamais perdre de vue le côté bien fait, le travail des artisans. Ouais. Au summum de la maison, il y a jusqu'à 80 artisans qui travaillent pour lui. Donc, c'est un homme qui a ce souci-là et on le voit dans les produits Hermès. Il va venir dans ses nombreux voyages. Il viendra, entre autres, aux États-Unis, mais au Canada. Vous parliez de sa curiosité pour les inventions. Il va dénicher quelque chose ici qu'il va ramener dans son bagage en Europe avec lui à la suite de son voyage au Canada. De quoi on parle? En fait, il va venir en Amérique du Nord pendant la Première Guerre mondiale. On l'a fait encore à cheval, même si l'automobile commence à monter. Il fait le tour de l'Amérique du Nord et il se rend compte que sa Cadillac, le capot, est fermé par une fermeture éclair, fermeture à glissière, le fameux zipper. Quand il voit ça, il est fasciné. Mm-hmm. À cette époque-là, la fermeture à glissière, elle était que sur les voitures. Donc, il va retourner en France, il va acheter le brevet et il va le remettre dans ses sacs. Mais le coup d'envoi, c'est le duc de Windsor. Il va faire un manteau en cuir, un manteau de golf, fermé avec une fermeture éclair. Donc, le duc de Windsor va faire une apparition publique avec ce manteau-là. Et là, tout le monde est enchanté. Et ensuite, ils vont intégrer ça au sac qui n'était pas zippé avant, qui n'était pas fermé par une fermeture éclair. Les années 20, les années 30, ça va vraiment être, vous nous en donnez déjà un petit avant-goût, mais ça va être l'explosion de la maison Hermès. C'est à ce moment-là qu'on va passer de l'unique monde du cheval et du voyage à celui de la haute couture, du parfum, de l'horloge. On écoute à nouveau Jean-Louis Dumas-Hermès qui raconte ce passage-là au micro de Yolaine Motet en 1995. Il y parle entre autres du fameux carré de soie Hermès. Le premier client d'Hermès était le cheval. Le cheval a fait naître tout un art, un art équestre, depuis tout ce qui était nécessaire à l'équitation, au transport par cheval, etc. Et le petit-fils du fondateur, qui est mon grand-père, c'est-à-dire Émile Hermès, était un passionné. Il a monté une des plus belles collections d'art équestre. Son successeur, mon père, avait le dessin dans le sang et est née cette idée de dessiner sur soie à une époque où a été inventée la sérigraphie, c'est-à-dire en 1930. Ce procédé permet une précision extraordinaire à remplacer le bloc de bois sculpté. Et il y a une rencontre étonnante entre Paris, où naissait cet art graphique d'illustration autour du cheval, et puis le travail des soyeux Lyon, dont les coloris. Aujourd'hui, sachez que, par exemple, les couleurs Hermès, dans nos usines de Lyon, nous avons 68 500 couleurs référencées différentes. Il y a 5000 roses. Donc c'est devenu une grande affaire de couleurs et puis de dessins. C'est éblouissant, Christine Dufresne, 68 000 couleurs. Oui. C'est ça aussi, la maison Hermès. Oui, c'est un travail. En fait, l'histoire des carrés, elle est fascinante parce que les premiers carrés, c'est dans les années 30. Les femmes se coiffaient pour aller faire leurs courses, mettaient des foulards sur leur tête. Et bon, je pense que Robert Dumas dit, il faut faire quelque chose, il faut faire un produit de luxe. Et les premiers carrés, en fait, ont été un peu un échec parce qu'ils perdaient justement cette couleur-là. Donc, ils coulaient sur Il coulait sur les clientes. Donc, ouais. Oui, il paraît que les clientes revenaient pas contentes au magasin. Mm-hmm. Et le premier carré de soie, ce qui est beau, en fait, et ça montre un peu la transition entre Émile et son gendre Robert Dumas, est basé sur un objet qui vient de la collection. Parce qu'Émile Hermès avait une collection extraordinaire d'œuvres d'art. Tout était lié au monde équestre, mais il y avait beaucoup de jeux, beaucoup de l'enfance. Donc, on a repris ce dessin-là. Et je pense qu'au début, Robert Dumas, il croyait, peut-être que la maison, il croyait pas tant que ça, et c'est devenu un grand, grand succès. Un symbole très fort de la maison, le carré de soie. Oui, on le voit d'ailleurs, tous les procédés, parce qu'on fait le dessin et c'est des coloristes qui choisissent les couleurs encore aujourd'hui. Et un des carrés les plus populaires de la maison, qui s'appelle Bride de Gala, je pense qu'il a été refait 70 000 fois. Donc, c'est vraiment un succès extraordinaire, les carrés. Je pense même que notre reine Élisabeth reçoit la collection au complet à chaque année. Tiens, tiens, elle peut se le permettre. Il y a les carrés, mais il y a vraiment... là, c'est l'explosion, je le disais. Les montres, l'horlogerie, la haute couture. Il y avait cette blague, cette anecdote qu'on entendait un peu plus tôt là, de M. Hermès qui dit, à un moment donné, une femme entre dans la boutique du Faubourg Saint-Honoré en disant « Non, ça va plus, que mon cheval soit plus élégant que moi, ça marche pas. » Mais ça sera aussi donc la haute couture, il y a le prêt-à-porter. Jean-Paul Gaultier va collaborer à la maison Hermès. Mais c'est l'explosion, là. Hermès devient, dans les années 20-30, une grande maison d'élégance et de haute couture. Oui, puis il y a plusieurs pièces aussi. Donc, ils vont rentrer dans ce moment qui sont des icônes. On peut penser le fameux sac Kelly. En fait, le sac Kelly, au début, c'était un sac qui était créé en 1935, qui s'appelait le sac à dépêche, qui était encore basé sur une autre forme de sac très utilitaire. Puis Grace Kelly, 15 ans après, apparu sûrement dans le Paris Match, elle cachait son ventre en début de grossesse. Elle avait ce sac-là Hermès. Là, toutes les femmes ont voulu, mais encore aujourd'hui, ce sac-là est réédité. Ouais. Puis il faut attendre des mois pour recevoir le sac. Mais en même temps, il y a ces grandes créations-là qui datent de plusieurs années, mais il y a toutes les choses qui sortent. On l'a vu, là, il y a la Apple Watch. Donc, Hermès se renouvelle constamment en restant fidèle à ses traditions. Donc, c'est quand même extraordinaire. Autre sac célèbre, le sac Birkin aussi, qui viendra un peu plus tard. Oui, et contrairement au sac Kelly, en fait, Grace Kelly n'a rien à voir avec la création du sac. C'est juste qu'elle l'a porté et tout le monde a voulu lui ressembler. Je pense que Jane Birkin, justement, avec M. Dumas, Jean-Louis Dumas, elle s'est plaint de son sac Kelly qu'elle trouvait trop gros quand elle voyageait. Donc, ensemble, ils ont créé ce sac-là, donc le sac Birkin qui a été créé avec elle. Jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de tradition, de savoir-faire, il y a certains sacs Hermès qui sont faits, tout est fait par des artisans et ça peut prendre jusqu'à un mois de fabrication. Et donc, ce désir de faire les choses à la main d'un artisanat très, très soigné, c'est là depuis les débuts. Hein. Émile Hermès, quand il vient au Canada, il voit les usines à Détroit. Il est là pour l'armée. Il va retourner en France. Il va présenter ce qu'il a vu dans l'armée. Il va l'appliquer pour l'armée, mais jamais pour sa maison. Donc, on est à l'affût de ce qui se fait, mais en même temps, on veut rester fidèle à un savoir-faire ancré dans des traditions. Et puis ces racines, cette iconographie au fond du cheval qui est là, toujours, toujours présente chez Hermès. Tendre, fougueux, superbe et sensuel, passionné, audacieux, c'est ainsi que je t'aime, Amazone. Amazon, un parfum d'Hermès. Amazon, on y est toujours. C'est un des nombreux parfums d'Hermès, mais encore une fois, l'univers du cheval, Christine Dufresne, dans la pub, on parle de fougueux, c'est comme ça que je t'aime, mais c'est là tout le temps. Le cheval est toujours là. Oui, les bracelets, le premier bracelet, mais encore les rééditions aujourd'hui qu'on voit, le symbole, c'est un mort. En fait, le mort, c'est ce qu'on mettait dans la bouche du cheval pour le guider. Tout est là et Hermès garde l'emblème de la maison. Donc, c'est vraiment... Les noms de parfums, les symboles, tout est encore... tout vient du cheval, en fait. Subtilement, en même temps. Moi, je suis pas connaisseur. Vous avez travaillé sur la maison Hermès pendant des mois, mais on ne le voit même plus, ce cheval, mais il est là quand même. Oui. Ce qui est fascinant, c'est que les créateurs aujourd'hui, au 24 Faubourg Saint-Honoré, donc la maison Hermès va déménager dans ce lieu mythique et extraordinaire en 1880 et est encore là. Il y a encore les ateliers pour la fabrication des selles. Il y a une partie des ateliers qui est encore là. Mais jusqu'à tout récemment, tout était là. Il y a le bureau d'Émile Hermès qui est encore intact, qui est un genre de cabinet de curiosité, musée, avec plein de choses qu'il a collectionnées, des selles de partout à travers le monde, des petits chevaux, des sculptures. Et encore aujourd'hui, les artisans vont dans ce bureau-là pour s'imprégner. Ils vont regarder, il y a une grande bibliothèque, c'est un bibliophile. Donc, il y a beaucoup de choses, presque tout ce qu'on retrouve dans les collections actuelles vient du bureau. Donc, dans les carrés, on voit parfois des morts de cheval, parfois des harnachements. Donc, ce bureau-là est encore au cœur de la maison et sert d'inspiration aux créateurs. Et puis Hermès, aujourd'hui, pour nous en parler, la rédactrice en chef de Paris Match, Catherine Schwab, qui nous parle de ce que représente Hermès aujourd'hui. L'image d'Hermès, c'est un peu d'Adam, c'est un peu... bourgeoise installée. En réalité, il y a quand même une nouvelle tendance qui veut que de jeunes filles demandent un Kelly ou un Birkin ou un sac Hermès ou un foulard Hermès. pour leur baccalauréat ou pour leur anniversaire. Donc, même si la maison est encore très vénérable et digne, elle a un certain talent pour attirer une nouvelle clientèle un peu plus jeune, une clientèle qui aime les marques à patrimoine, celles qui sont indiscutablement intemporelles. Même ça vous fait sourire, ça, ce que vous entendez, Christine Dufresne? Oui, mais il y a un côté qui est vrai en même temps... Mais ce qui est beau aussi, c'est que les gens vous diront que il y a plein de copies, mais c'est très dur de copier un sac Hermès parce que le niveau de qualité de savoir-faire est tellement extraordinaire. Et en même temps, je me dis, ben c'est presque... On regarde sur les ventes d'enchères, c'est très cher quand même, les produits Hermès, mais ça dévalue presque pas. Mm-hmm. Donc, les jeunes le veulent, mais en même temps, il y a quelque chose qui est encore ancré dans... Oui, ça persiste, on le veut, ça vieillit pas. Si notre mère a un sac, on veut qu'elle nous l'aide. Ça fait partie du patrimoine. Elle a cette expression, Catherine Schwab, marque à patrimoine. C'est dans l'ADN des Français. Ça fait partie de l'identité culturelle française, au fond. Oui, mais en fait, je pense que c'est né à une grande époque, une époque de l'industrialisation, mais aussi de la présence du cheval. Je pense que c'est une marque qui est emblématique pour Paris, d'ailleurs, Hermès. Elle est là depuis longtemps. Mm-hmm. Elle est encore dans la famille. La famille est encore propriétaire de la compagnie majoritairement. Donc, il y a je pense qu'il doit avoir une grande fierté aussi. Mm-hmm. Reconnaissable aussi. Il y a une signature, Hermès. Hein? Oui, dire ça. Une authenticité aussi qui est là depuis le début. Le logo, le lien avec le cheval, il n'est pas inventé. Hein, donc, depuis le début, quand on dit Hermès est né du cheval, c'est vrai. Au début, c'était des selles, des harnachements. Ils font encore des selles, mais ils ont su se renouveler. Oui, ils font encore des selles magnifiques, faites par des artisans qui travaillent pendant des mois. Et d'ailleurs, il y a encore une partie de ces ateliers-là qui sont au 24 Faubourg Saint-Honoré. Mm-hmm. Et puis l'aspect familial, vous l'avez évoqué, mais c'est vraiment exceptionnel. Il y a eu une tentative à un moment donné du groupe de luxe du milliardaire Bernard Arnault, LVMH, de petit à petit, au fond, acheter de plus en plus d'actions puis prendre le contrôle de la société. Pour l'instant, ça ne s'est pas passé. En fait, il y a une centaine d'actionnaires encore qui se tiennent, des descendants, là, des héritiers Hermès. Et puis, vous me disiez juste avant l'entrevue que, à nouveau, parce qu'il y a eu une petite période où il n'y avait plus d'Hermès à la tête de la maison, mais ils ont repris les affaires de la maison. Oui, en fait, il y a Pierre-Alexis Dumas et aussi son frère Axel Dumas qui sont encore à la tête. Le nom Hermès s'est perdu, donc on oublie parce que Émile Hermès a eu 4 filles, une qui est décédée et les 3 autres se sont remariées avec les Dumas, les Guérin, mais la famille est encore présente dans la maison. Mais c'est une grande maison, c'est sûr que c'est pas que des descendants, mais c'est encore des descendants qui sont à la tête de cette maison-là, de ce fleuron parisien. Christine Dufresne, chargée de projet de l'exposition Des chevaux et des hommes, la collection Hermès Paris, présentée au musée de la Pointe-à-Calière. Merci infiniment de votre passage à l'émission. Merci. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Elisabeth Bergeron, site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Pierre Dulon. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.